بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 25 بعد المئة. صبا سكيم الحديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن والد مولى المغيرة ابن شعبة قال أملى على مغيرة ابن شعبة في كتاب إلى معاوية وأملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبور كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Donc il dit justement Warid Maula, qui était Maula dans le sens soit d'esclave affranchi ou soit de celui qui se convertit par sa cause, il disait que Al-Mughira ibn Shu'ba, qui était un sahabi, m'avait dicté une lettre pour envoyer à Muawiyah, disant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait à la fin de chaque salat obligatoire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, nulle divinité digne d'adorer en dehors d'Allah seul, sans associer, la mulk, la royauté lui appartient, walul hamd, et la louange lui revient, wa wa la kulli shay'in qadir, il est capable de toutes choses, il est l'omnipotent. Allahumma la mani'a lima a'tayt, oh Allah, nul ne peut empêcher ce que tu donnes, il ne peut créer ce que tu donnes, wa la mu'ti lima mana'at, et nul ne peut donner ce que tu empêches, ce que tu retiens, ce dont tu prives. Wa la yanfa'u zal jadd min kal jadd, et celui dont le rang, on va dire, que celui qui a un haut rang, une personne qui a un haut rang, son rang ne pourra le préserver rien de toi. Fiad al-Ma'ana. Quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est important, qui a de la notoriété, cela ne pourra en rien le protéger d'Allah Azzawajal. Qala thumma wafattu ba'da zalika ala Mu'awiya fa sami'tuhu ya'muru an-nas bi zalika. Il a dit après, je me suis rendu auprès de Mu'awiya et je l'ai entendu ordonner aux gens de faire cela. C'est-à-dire, une fois qu'il a eu connaissance de ce qu'il lui a écrit, Al-Mughira. Wa fi lafdhin kana yanha an qil wa qal wa ida'at al-mal wa kasrat al-su'al wa kana yanha an huquq al-ummahat wa adi al-banat wa man wa hat. Également, dans une version, il disait que le Nabi Sallam interdisait de la qil wa qal, c'est-à-dire les paroles inutiles, les ragots, les paroles qui ne servent à rien, ainsi que les dépenses inutiles. Le fait de gaspiller son argent. Et le grand nombre de questions posées, c'est-à-dire les questions qui ne servent à rien dans la religion ou dans la dunya. Un tas de questions qui n'apportent aucun profit à la personne. Et également, il interdisait d'être ingrat envers les mères. Et il interdisait d'enterrer les petites filles vivantes. Et également, il a interdit d'empêcher aux gens d'avoir un droit, d'obtenir leur droit, ou il empêchait à ceux qui n'avaient pas le droit de réclamer ce qui ne leur revenait pas. D'accord, des gens qui réclament des choses qui ne leur reviennent pas, ils n'ont pas le droit de les demander. Il y a des gens qui ont des choses qui leur reviennent, il n'est pas permis de leur interdire. Et cela peut être pris également comme réfutation à ces gens-là qui, masalan, au masjid, quand les gens font leur salat maktouba, ils viennent et ils font des quêtes, ils insistent sur les gens pour leur dire donnez, donnez, donnez. Cet argent que tu demandes, ce n'est pas un droit que tu as, qui ne te revient pas. C'est-à-dire, ce n'est pas une zakat, ce n'est pas une dette. Ce n'est rien de cela. C'est-à-dire, les gens ne sont pas obligés de donner cet argent-là au point que tu viennes sur eux et que tu les importunes. Car des gens, ils ont une façon de faire qui est vraiment insolente. Presque, ils te mettent dans la gêne. Et les ulama disent que celui qui donne, en étant dans la gêne, à la base, il ne veut pas donner, cet argent-là, il n'y a pas de baraka et celui qui l'aura demandé aura commis un péché. Tu auras pris aux gens un bien alors qu'ils ne veulent pas le donner juste du fait qu'on les regarde, du fait que tu les as mis mal à l'aise. Par ta demande, il te donne, alors qu'au fond, il ne veut pas te donner. Cet argent-là, il ne t'est pas permis de le prendre. Même s'il n'est pas pour toi dans ta poche, qu'il est pour construire une mosquée, ou qu'il est pour faire telle et telle chose, tant que ce n'est pas un droit obligatoire, tu n'as pas le droit d'appartenir les gens pour cela. Et celui qui veut donner de lui-même, il le donne. Non. Qala fadilat al-Sheikh Ibn al-Uthaymeen. Le Rawi, c'est... Le rapporteur, c'est Walid, c'est Abu Saïd al-Thaqafi, Mawlaahum. Et qu'il était un tabi'i, ثقة de la troisième branche, troisième tabaka, troisième niveau. C'est-à-dire celle qui est entre les grands tabi'ines et les petits tabi'ines. Et en fait, en réalité, le rapporteur, c'est Al-Mughira ibn Shu'ba, car c'est lui qui a entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire la chose. Et il y a hadith, le sujet du hadith, c'est pour démontrer certains afkars que l'on peut faire après des salats obligatoires. Comme celui qui était cité dans ce hadith. يقول في الشرح الإجمالي الإكسبرسيون جلوبال يخبر وارد مولى المغيرة بن شعبة أن المغيرة أملى عليه في كتاب كتبه إلى معاوية بن أبي سفيان في خلافته حيث كتب إليه معاوية يطلب منه أن يكتب إليه ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة فكتب إليه المغيرة دونك لا وارد كي justement le Mawla de Mughira ibn Shu'ba informe que Mughira lui a dicté une lettre qu'il a envoyée à Mu'awiyah, et cela après sa demande. C'est-à-dire que Mu'awiyah a demandé à Mughira de lui écrire quelque chose qu'il a entendu du Nabi sallallahu alayhi wa sallam lié à ce qu'il faut faire après les salats. Donc Mughira lui a envoyé ce courrier-là. Annahu kana yaqulu khalfa kulli salatin maktouba, et que justement que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait après chaque salat obligatoire, il disait la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa wa la kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'ti lima mana't wa la yanfa'u dhal jadd minka al-jadd. Wa adaf al-Mughira fi kitabi ashiya tunasib al-maqam wa iyyahi an nahaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Donc là, il a cité les paroles, justement, le zikr à donner par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la fin des salawat. Et ensuite, il ajoute en disant que Warid a ajouté des choses qui correspondent à la situation que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit également, que Mughira a entendu. Naha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam an al-qil wal-qal, c'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit de parler pour rien, inutilement, des ragots. لما فيه من ضياع الوقت وكثرة الخطأ و pour cela quoi pour ce que là renferme comme perte de temps et cela amène à beaucoup d'erreurs. ونهيه عن إضاعة المال لأنه ضرر اقتصادي وينبه عن سوء التصرف. Et également le fait de gaspiller l'argent, car cela nuit à l'économie. Et cela ne vient que d'un mauvais comportement, de dépenser l'argent pour rien. وَنَهِيَهُ عَنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ لِأَنَّهُ يُضَيِّعُ الْوَقْتَ وَرُبَّمَا أَدَى إِلَى مَا لَمْ تُحْمَدْ عِقَابُهُ. Également le fait de poser trop de questions, car cela est une perte de temps, et cela mène à des choses qui sont peu louables. وَنَهِيَهُ عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ لِأَنَّهُ قَطِيعَةٌ وَهَدَمَ لِحُقُوقِهِنَّ. Également le fait d'être ingrat envers les mères, car cela les prive de leurs droits. D'accord, cela les prive de leurs droits. وَنَهِيَهُ عَنْ وأد البنات لأنه إساءة ظن بالله عز وجل واعتداها على حياتهن وقطيعة الرحم. Également, qu'il est interdit d'enterrer les jeunes filles vivantes, plutôt les jeunes filles, les bébés filles vivantes, car cela est une mauvaise pensée envers Allah. Car les gens les enterraient pourquoi? Pensant qu'elles allaient être des bouches à nourrir, qu'ils vont apporter peu de profit par la suite. Car les gens voulaient des garçons. Donc cela amène à penser du mal d'Allah, que Allah t'a donné une fille, que celle-ci va te porter préjudice. Également, cela est un affront envers leur droit de vivre. Et également une rupture des liens de parenté. وَنَهِيَهُ عَنَ الْبُخُلِ وَالْتَمْعَ لِأَنَّهُمَا خُلُقَانِ ذَمِيمَانِ وَأَغْبَرَ وَارِدٍ أَنَّهُ قَدِمَ وَافِدًا عَلَى مُعَيَّةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَسَمِعَهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذِكْرِ الَّذِي كَتَبَ بِهِ مُعِيرًا إِلَيْهِ. Également qu'il a interdit l'avarice ainsi que la convoitise, car tous les deux sont deux caractéristiques qui sont mauvaises. Le fait de vouloir ce qu'il y a dans les mains des gens et le fait d'empêcher aux gens d'obtenir ce qui leur revient. Et Walid, il a informé. C'est pas Walid, c'est Warrad, Afwan. J'ai mal lu, c'est Warrad. C'est Warrad, il s'appelle. Je me rectifie. Et ensuite, il a informé qu'il s'est rendu auprès de Muawiyah et qu'il a entendu Muawiyah ordonner aux gens d'appliquer ce hadith. Ce que lui a écrit Mughira ibn Shu'bah. Radiallahu anhum ajma'in. يقول من فوائد الحديث من الزمنيات الحديث مشروعية ذكر الله تعالى خلف الصلوات المكتوبة بما رواه المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم qu'il est légiféré justement de faire ce zikr après les salat obligatoires comme l'a cité Mughira que cela vient du Nabi صلى الله عليه وسلم. ثانيا فضيلة المعاوية رضي الله عنه بحرصه على العلم وأمره الناس بالعمل به. Et ce qui montre le mérite de Muawiyah pour l'importance qu'il donnait à la science et l'ordonnance qu'il donnait aux gens d'appliquer cette science. Thalithan, kamal al-shari'ati al-islamiyyati bi li'ayatihi li hifz al-waqt wal-lisan wal-mal wal-sharaf wal-huquq haythu naha al-nabi sallallahu alayhi wa sallam an qil wa qal wa da'at al-mal wa kasat al-sual wa huquq al-ummahat wa ad al-banat wa tam wal-bukhul. Et cela montre justement la perfection de cette législation islamique, du fait qu'elle observe le fait de préserver le temps, de faire attention au temps, de ne pas le perdre avec les paroles inutiles, et de ne pas le perdre l'argent inutilement, également de rendre le droit à ceux qui les méritent, qu'il s'agisse des maires, ou qu'il s'agisse justement des gens qui demandent que le droit leur revient. Et également, qu'il a interdit, comme on l'a expliqué, les ragots, les kiloakol, les dépenses inutiles, de poser trop de questions, un grand vers les mères, et de tuer les filles à la naissance, et de convoiter le bien des gens, ou d'être avare envers les droits des autres. Hadha, alladhi akhadhna al-yawm min hadha al-hadith, walhamdulillahi rabbil alamin.